Merci beaucoup aux organisateurs pour cette invitation. Merci à Myriam Tsimbidi, merci à Christophe Blanqui et merci aussi beaucoup à Mathieu Davigna. Je suis aussi très heureuse de parler aujourd'hui sous la présidence d'Alain Viala, que je n'ai pas revu depuis je ne dirai pas combien de temps. En tout cas, j'en suis très heureuse. Et je me rends compte que dans le titre que j'ai laissé pour ma communication, je n'avais pas précisé que je ne parlerais exclusivement que du Lauzin rapporté par Saint-Simon. Donc c'est là qu'on commence à voir le fanatisme arriver. Donc il faut opérer rapidement. Bon, donc je vais vous parler de la figure de Saint-Simon telle que le mémorialiste l'a rapportée dans ses mémoires. Alors, je commencerai cette communication par une citation de la chronique de l'année 1712. Madame de Maintenon tira donc sur le temps, vanta les serviteurs de jeunesse de toute la vie, l'attachement de toutes celles du maréchal de Villeroy pour le roi, sa douleur de lui avoir déplu, la longueur de sa pénitence, sa désolation de ne pouvoir être auprès du roi dans des moments si calamiteux, la douceur de se retrouver avec ceux avec qui on avait toujours vécu et dont on était sûr que le cœur n'a point de part aux fautes. En un mot, elle sut si bien dire et presser que tout ce qui était à Marly pensa tomber d'étonnement d'y voir paraître le maréchal de Villeroy le matin que le dauphin mourut et reçut du roi avec tout l'air d'amitié et de familiarité que la situation de son cœur et de son esprit lui purent permettre. De ce moment, il ne quitta plus la cour, fut traité du roi mieux que jamais, un continent après admis chez Madame de Maintenon, aux musiques, quand elles y recommencèrent, et lui unique, en un mot, un favori du roi et de Madame de Maintenon. Alors, les récits de retour en grâce qui mettent fin à un exil douloureux, parfois assaisonné de la prison, ont dans la littérature mémorielle, et pour bon nombre d'entre eux, des airs de conte, le goût de la fin, à la fois sublime et magique des fables, comme ici le retour d'exil du maréchal de Villeroy rapporté par Saint-Simon, où l'expression « redoublée en un mot » repousse les bornes du vraisemblable, mime le tout à coup propre au merveilleux. La grâce intervient miraculeusement comme la disgrâce, et le retournement, quasi imperceptible dans le temps, fait en un instant triompher un bonheur improbable. En un moment, tout le mal semble conjuré et de part et d'autre, l'on jouit de l'amitié retrouvée, oubliant jusqu'au sujet de la dispute qui décida pourtant d'une disgrâce profonde. C'est ainsi que Saint-Simon rapporte la plupart de ces épisodes, tous marqués au coin du prodige. L'on peut songer au retour d'exil de Pomponne, si émouvant et si peu attendu de la cour, ou encore à celui triomphant de Madame des Ursins. Ces moments quasi divins, arrachés à l'austérité de Versailles, sont toutefois assez peu développés sous la plume de Saint-Simon. Cet historien de la chute, en effet, ce poète des ruines, du dépérissement d'un monde, s'intéresse peu à ces moments d'euphorie, sinon à l'occasion pour y exercer son cynisme, au regard des longues pages aménagées comme des tragédies qu'il consacre au récit de grâce, on peut songer ici au récit pardon, de disgrâce, on peut songer ici à celle de Chamillard, distribuée sur l'année 1709 et qui avance comme un drame en plusieurs actes, ou bien comme des épopées, je pense notamment à l'interminable bras de fer rapporté par le mémorialiste entre le roi et le cardinal de Bouillon, ou encore aux passes d'armes entre Madrid et la cour de Versailles. D'une manière générale, Saint-Simon se montre plus fasciné par la chute de ceux qu'il nomme ses phaétons, les Lafeuillade, les Villars, les Vendômes, etc., que par les résurrections, excellant à décrire par le menu la lente descente aux enfers de ses courtisans pour la plupart haïs et que le roi a tiré du néant. Alors un retour d'exil, cependant, se trouve amplement développé dans les mémoires de Saint-Simon et occupe même une place très stratégique. À la fin des mémoires, juste avant le récit de la mort du régent en 1723, que le mémorialiste avait déterminé comme le terminus ad quem de son grand œuvre, prend place en effet le récit de la mort de Lauzin, qui est l'occasion pour l'écrivain de revenir sur l'une des plus extravagantes destinées de courtisan qui fut sous Louis XIV, et notamment de rapporter sa vie à Versailles depuis son retour d'exil, dont il fut le contemporain. Le hasard du calendrier, puisque Lauzin meurt quelques mois avant le duc d'Orléans, autorise le mémorialiste à rapporter à cet endroit la geste de, je cite Saint-Simon, ce personnage si extraordinaire, dernier feu d'artifice de la plume d'un écrivain, arrivé au terme de son immense entreprise, dernier portrait d'une figure unique en son genre, avant l'assombrissement final des mémoires qui repousse autant que possible le récit tragique de la mort du duc d'Orléans. La familiarité de Saint-Simon et de Lauzun, aussi inattendue soit-elle, fait du mémorialiste un spectateur et un témoin incomparable de ce courtisan inédit. On sait que le duc de Lauzun épouse à 62 ans la sœur cadette de Madame de Saint-Simon et fille du duc de Lorge, alors âgée de 14 ans. Les deux beaux-frères, à partir de ce mariage, vécurent dans la plus grande intimité. Et si l'on trouve ad libitum dans des mémoires du temps ou dans les correspondances, les récits relevés des frasques et des insolences du flamboyant Péguilin qui se cachait sous le lit de Louis XIV et de Madame de Montespan, ou bien qui enfermait à clé Madame de Monaco, interdisant la visite galante du roi, si les contemporains s'épuisèrent en exclamations commentant l'irrésistible ascension de ce cadet de Gascogne irradié des bienfaits du soleil et qui faillit épouser la grande mademoiselle, la prodigieuse syntaxe de Madame de Sévigné résonne encore à nos oreilles, l'on trouve moins ce qui, à mon sens, constitue la saveur du témoignage de Saint-Simon qui le connut bien durant sa vieillesse, à savoir son retour d'exil après 10 années de dure prison à Pignerol et sa vie depuis à Versailles qui s'énonce sous des auspices curieusement dysphoriques. Saint-Simon est en effet le conteur de la face lunaire du personnage, rapportant une fin de vie amère et sombre, profondément travaillée par la mélancolie. Alors, le retour d'exil de Lauzun, qui sut se rendre utile, comme le disait Madame de Sévigné, en trouvant le chemin de Versailles passant par Londres, on connaît en effet le rôle clé joué par Lauzun dans La fuite de la reine d'Angleterre en 1688, ce retour, dis-je, est pourtant un triomphe. Rien ne semble manquer à l'ancien détenu de Pignerol. Je cite Saint-Simon. Le roi traita Lauzun parfaitement bien, lui rendit là même les grandes entrées et lui promit un logement au château de Versailles qui lui donna un continent après. Et de ce jour-là, il en eut un à Marly, tous les voyages, et à Fontainebleau, en sorte que jusqu'à la mort du roi, il ne quitta plus la cour. On peut juger quel fut le ravissement d'un courtisan aussi ambitieux, qu'un retour si éclatant et si unique ramenait des abîmes et remettait subitement à flot. Il eut aussi un logement dans le château de Saint-Germain, choisi pour le séjour de cette cour fugitive, où le roi Jacques II arriva bientôt après. Lauzun y fit tout l'usage qu'un habile courtisan sait faire de l'une et l'autre cour, et de se procurer par celle d'Angleterre les occasions de parler souvent au roi et d'en recevoir des commissions. Enfin, il sut si bien s'en aider que le roi lui permit de recevoir dans Notre-Dame, à Paris, l'ordre de la jarretière des mains du roi d'Angleterre, le lui accorda à son second passage en Irlande pour général de son armée auxiliaire et permit qu'il le fût en même temps de celle du roi d'Angleterre qui, la même campagne, perdit l'Irlande à la bataille de Boine et revint en France avec le comte de Lauzun pour lequel enfin il obtint des lettres de duc qui furent vérifiées au Parlement en mai 1693. Quel miraculeux retour de fortune, s'exclame Saint-Simon. Et pourtant, écrit-il un peu plus loin, tout cela ne le contentait point. Le duc de Lauzun, ayant retrouvé, comme on vient de le voir, toutes les grâces, y compris les grandes entrées, obtenu ses lettres de duc, je cite là encore Saint-Simon, s'affligeait sans cesse, se croyait dans une profonde disgrâce. Et en voici la cause apparente. L'ancien favori ne semble pas se consoler, nous rapporte Saint-Simon, de la perte de sa charge de capitaine des gardes dont il avait été forcé de se démettre en prison au profit du maréchal de Luxembourg. Alors je rappelle ici que cette charge était particulièrement prestigieuse puisqu'il s'agissait de commander au régiment d'infanterie de la maison du roi et que seuls les éléments les plus brillants y étaient destinés. Saint-Simon rapporte cette extravagante habitude que prit Lauzun à 50 ans passés de s'habiller d'un habit bleu à galons d'argent qui approchait fort de celui des capitaines des gardes, rappelant par là le ridicule de cet autre disgracié que fut le duc de Bouillon qui, on s'en souvient bien que destitué de la distinction de l'ordre du Saint-Esprit, laissait négligemment entrevoir le cordon bleu sous les plis de sa soutane. Mais ce n'est pas tout, loin de là. L'été qui suivit la mort de Louis XIV, alors que Lauzun avait atteint l'âge vénérable de 80 ans, le mémorialiste raconte qu'il y eut une revue de la maison du roi que le duc d'Orléans organisa au bois de Boulogne et à laquelle Madame de Lauzun souhaitait participer. Le mémorialiste décrit les gesticulations et les cris du duc de Lauzun, vieillard insensé, note-t-il, digne, je cite encore, des petites maisons, exprimant par là le désespoir de n'y pouvoir figurer en tant que capitaine des gardes, chose qu'il regrettait infiniment et qui le plongeait dans la plus profonde tristesse. les larmes aux yeux. Il confie à Saint-Simon, qui cherche à la fois à le soutenir et à comprendre ce beau-frère, pas tout à fait comme les autres, je cite, qu'il avait été capitaine des gardes, que, quand il le serait encore, il serait incapable d'en faire les fonctions, qu'il se le disait sans cesse, et qu'avec tout cela, il ne pouvait se consoler de ne l'être plus depuis tant d'années qu'il avait perdu sa charge, qu'il n'en avait jamais pu arracher le poignard de son cœur, que tout ce qui lui en rappelait le souvenir le mettait hors de lui-même. Surtout, chose plus étrange encore, Saint-Simon rapporte que Lauzun célébrait chaque année une sorte d'anniversaire de sa disgrâce. Je crois que c'est la chose la plus extraordinaire. Se repaissant ainsi d'amertume, Lauzun, curieusement, sa prison et son exil terminé, vit à Versailles en simulacre de disgracié, bien que recouvert de tous ses honneurs. Il ne compte pour rien ce retour en grâce au prétexte qu'une seule charge lui manque. Le temps semble s'être arrêté et son esprit revient inlassablement comme obsédé sur son arrestation et de son exil qui le privèrent de cette charge si convoitée. Ainsi s'évanouit toute possibilité de bonheur retrouvé, et ce malgré toutes les distinctions dont il est l'objet et les belles demeures dont il jouit. Mais ce ver rongeur d'ambition, écrit Saint-Simon, empoisonnait sa vie. Le mémorialiste est stupéfié par tant de pulsions infantiles chez un homme qui devrait songer, pense-t-il, à son salut. C'est pour le chrétien qu'est Saint-Simon une triste image de la vanité du monde. Je cite, « J'ai réfléchi souvent à cette occasion sur l'extrême malheur de se laisser entraîner à l'ivresse du monde et au formidable état d'un ambitieux, que ni les richesses, ni le domestique le plus agréable, ni la dignité acquise, ni l'âge, ni l'impuissance corporelle n'en peuvent déprendre, et qui, au lieu de jouir tranquillement de ce qu'il possède et d'en sentir le bonheur, s'épuise en regrets et en amertumes inutiles et continuelles, et qui ne peut se représenter que, sans enfant et dans un âge qu'il approche si fort de sa fin, posséder ce qu'il regrette, quand même il pourrait l'exercer, seraient des liens trompeurs qui l'attacheraient à la vie, si prête à lui échapper, et qui ne lui serait bon qu'à lui augmenter les regrets cuisants de la quitter. Mais on meurt comme on a vécu. » Cependant, la condamnation chrétienne de Saint-Simon, qui est sans aucun doute sincère, trouve toujours sous sa plume ses limites dans la complexité des êtres de la cour qu'il passa sa vie à examiner. Et Lauzun en fut assurément. Lauzun est pour lui une énigme vivante. Il parle à son propos d'étrange singularité. Un tel personnage ne peut se réduire à son ambition, aussi démesurée soit-elle, et l'attitude incompréhensible d'un homme entouré de tous les honneurs et pourtant acariâtre ne peut échapper à l'étude du mémorialiste. Mais en effet, enfin observateur de cour et de la dimension affective qui la traverse de part en part, Saint-Simon note ceci de plus psychologique, mais aussi de plus profond, à mon sens, au sujet de son extravagant beau-frère. Je cite. Lauzun n'approchait familièrement du roi que par les dehors. Il sentait l'esprit et le cœur de ce monarque en garde contre lui, et dans un éloignement que tout son art et son application ne purent jamais rapprocher. C'est ce qui lui fait y poser, ma belle-sœur, dans le projet de se remettre en commerce sérieux avec le roi à l'occasion de l'armée que Monsieur le maréchal de Lorge commandait en Allemagne, et ce qui le brouilla avec lui, sitôt après, avec éclat, quand il vit ses desseins échouer de ce côté-là. C'est ce qui lui fait faire ce mariage également du duc de Lorge avec la fille de Chamillard pour se rapprocher par le crédit de ce ministre sans y avoir pu réussir. Le retour d'exil, et c'est sans doute le sens de ce surprenant sentiment de disgrâce que l'on observe chez Lauzun, c'est avant tout l'histoire d'un désenchantement. Désenchantement, tout d'abord, d'un favori, d'un ancien favori, privé d'une charge qui constitue un symbole de l'amour de son roi, une sorte d'objet transitionnel entre lui et Louis XIV. Son absence ôte à l'ancien favori du prestige dans le monde et ampute le noble de sa fonction première, sa fonction guerrière, naturellement. Mais elle est aussi et surtout l'image, le baromètre de son crédit dans l'esprit du roi. Bien au-delà de la vanité, la charge de capitaine des gardes à laquelle tient tant Lauzun possède un fort coefficient sentimental. Elle a d'ailleurs une histoire dont il faut ici rappeler la généalogie. Elle est en effet la charge offerte par Louis XIV à Lauzun dans la Bastille, en lot de consolation, de celle qui n'obtint finalement jamais, celle du grand maître de l'artillerie, et qui lui valut la prison. On se souvient que Lauzun se vanta de cette conquête, avant même que Louis XIV ne la publie, et que suite à la rétractation du roi, il chante à Pouille à Madame de Montespan, dont il avait surpris, tapis sous le lit du roi, les propos assez peu bienveillants à son égard. À Pignerol, cependant, il lui fut demandé de se démettre de cette charge de capitaine des gardes, ce à quoi il consentit dans l'espoir d'une liberté prochaine. Cette charge, objet d'échanges tendus qui engagea crispation de part et d'autre, l'on peut presque parler d'hystérie, surtout au regard de la scène célébrissime qui opposa Lauzun à Louis XIV, l'ancien favori, on s'en souvient, cassant son épée de rage devant le roi inflexible qui lui refuse l'artillerie et qui lance sa canne par la fenêtre plutôt que de battre un gentilhomme. Cette charge, dis-je, c'est une marque d'amitié insigne, un gage d'amour que l'entourage du roi, et en premier lieu Louvois, s'efforçait d'intercepter tant il jugeait, je cite Saint-Simon, le goût infini du roi pour ce trublion, dangereux pour l'État. Car le retour d'exil de Lauzun, c'est selon moi aussi l'histoire d'un autre désenchantement du roi, cette fois. Désenchantement au sens propre. C'est, pour être plus précise, l'histoire d'une déprise amoureuse, d'un roi qui, in extremis, avant de commettre le pire, avait fait enfermer cet esprit brillant, mais aussi gênant que possible, et qu'il avait comme ensorcelé. L'histoire du roi et de son favori, telle que la rapporte Saint-Simon, n'est pas seulement l'histoire d'un mode de gouvernement, le roi affirmant par la grâce et la disgrâce son pouvoir. Elle est aussi celle d'une emprise mutuelle, d'un petit délire partagé qui se fête à deux. La mémoire collective n'a, en la matière, semble-t-il, retenu qu'une partie de ce que Delphine Amstutz nomme dans son travail de thèse la fable du favori, dont la pragmatique, à mon sens, a été escamotée. L'échange n'est pas, entre le roi et son favori, essentiellement d'ordre politique et économique. Le favori, loin du plat courtisan de la fable de La Fontaine, aime sincèrement le roi d'un amour indéfinissable et se trouve aimé en retour. Patrick Dandrey parlait ici même, il y a quelques années, à propos du même Lauzun, mais en parlant des favoris en général, je le cite, d'une séduction sans flirt, d'une liaison sans sexe, d'un mariage sans prêtre, d'une passion sans consommation, mais assez forte pour s'assujettir toutes les autres. Saint-Simon ne cesse de dénoncer tout au long de ses mémoires une monarchie qui, pour être absolue, promeut des hommes de peu, qui constituent des relais essentiels du pouvoir du roi. Cependant, ce que blâme Saint-Simon par-dessus tout, ce sont les passions personnelles au cœur du pouvoir et l'excès qu'il repère, notamment chez le roi, qui se prend à certaines figures pour un rien, sur un bout rimé ou sur une partie de billard. Il voit là l'image de la dégénérescence d'une monarchie où le lien d'amitié féodale, comme celui qui liait son père et Louis XIII, s'est transformé en monstre affectif, en machine à fascination, ouvrant la porte à toutes les erreurs politiques. Et Saint-Simon est assurément le peintre d'un règne qui est tout entier scandé par les orages affectifs du monarque qui s'était pourtant juré de ne pas avoir de favori, traversé pourtant de bout en bout par ses amours et désamours pour quelques-uns d'entre eux, Louis XIV les distinguant et les excommuniant tour à tour. La relégation fonctionne alors, et ainsi en est-il sans doute du destin de Lauzun comme de bien d'autres, comme ce moment de relégation où, je cite Saint-Simon, les masques tombent, où le monarque est forcé de rompre le lien avec son favori, comme subitement dépris de la fièvre du courtier de son ivresse contagieuse. Le souverain passe alors de la préférence inconditionnelle à l'aversion la plus marquée, en particulier avec ses commandants d'armée, généraux ou maréchaux, dont le choix importait tant à ce roi de guerre. Citons par exemple rapidement ici l'invraisemblable étourdissement du monarque pour Vendôme, lui aussi nommé favori, dont le roi était, nous dit Saint-Simon, épris, se repaissant de ses fanfaronnades, adorant l'idole. L'on pourrait également parler ici de Vaudémont, de Villars ou de La Feuillade, dont Saint-Simon précise que le roi en était, je cite, ébloui. Et l'on trouve sous la plume des mémorialistes le refrain du prodigieux aveuglement de Louis XIV. Alors on peut dire que par un surprenant retournement des choses, ce que montre Saint-Simon très bien dans ses mémoires, c'est que ce roi soleil semble appelé en retour à être victime de l'éblouissement de ses favoris, pris au piège d'une relation fort trouble. Saint-Simon signale par là à la postérité les contradictions majeures de ce roi et la complexité extrême de son absolutisme, envoûté autant que despotique, nouant avec ses favoris des affinités bien plus troublantes que le goût de ses prédécesseurs pour leurs mignons. Lauzun revenu à Versailles, il fallut donc marquer la fin de l'idylle. Louis XIV, comme dégrisé, ne reçoit plus son ancien favori avec la liberté et la familiarité d'antan, ce dont souffre atrocement le courtisan. Lauzun se meurt au milieu des splendeurs de Versailles, car il a perdu l'essentiel, l'amour du roi, qui sut le mortifier en ne lui restituant pas l'objet du désir. C'est que le roi était allé fort loin avec son favori, offrant au regard du public le spectacle d'un monarque gouverné au point de consentir à donner la charge du grand maître d'artillerie en même temps que la main de la grande mademoiselle. Louis XIV était prêt à commettre l'irréparable, et c'est in extremis que Madame de Montespan et Louvois l'arrêtèrent au bord du précipice. Une telle folie n'est peut-être pas concevable. La Bruyère disait de Lauzun, on ne rêve point comme il a vécu. On se souvient à ce titre de la scène irrésistible, particulièrement désopilante, des mémoires de Saint-Simon, où Lauzun vient rejoindre dans sa cellule le malheureux Fouquet, étant parvenu à creuser un trou dans la cheminée. Donc, alors Lauzun, à Pignerol, est juste en dessous de Fouquet. Alors Fouquet a été isolé depuis un certain nombre d'années lorsque Lauzun arrive à Pignerol. Alors Fouquet pense tomber complètement fou en entendant ce cadet de Gascogne raconter son incroyable ascension de capitaine des gardes du corps à général d'armée et gouverneur du Berry, prétendant à la main de la grande mademoiselle. Alors je ne résiste pas, si j'ai bientôt terminé, si j'ai 2 minutes à vous lire le passage de ses mémoires. Je lis Saint-Simon. Fouquet ne savait plus où il en était, le crut fou, et qu'il lui racontait ses visions quand il expliqua comment il avait manqué l'artillerie et ce qui s'était passé après là-dessus. Mais il ne douta plus de la folie arrivée à son comble, jusqu'à avoir peur de se trouver avec lui quand il lui raconta son mariage consenti par le roi avec mademoiselle, comment rompu, et tous les biens qu'elle lui avait assurés. Cela refroidit fort leur commerce du côté de Fouquet, qui, lui croyant la cervelle totalement renversée, ne prenait que pour des comptes en l'air toutes les nouvelles que Lauzun lui disait de tout ce qui s'était passé dans le monde depuis la prison de l'un jusqu'à la prison de l'autre. Celle du malheureux surintendant fut cependant un peu adoucie avant celle de Lauzun. Sa femme et quelques officiers du château de Pignerol eurent la permission de le voir et de lui apprendre des nouvelles du monde. Une des premières choses qu'il leur dit fut de se plaindre de ce pauvre Péguilin qu'il avait laissé jeune et sur un assez bon pied à la cour pour son âge, à qui la cervelle avait totalement tourné et dont on cachait la folie dans cette prison. Mais quel fut son étonnement quand tous lui dirent assurément la vérité des mêmes choses qu'il avait su de lui. Il n'en revenait pas et fut tenté de leur croire à tous, la cervelle dérangée. Il fallut du temps pour le persuader. Alors, le retour d'exil de Lauzun, c'est cette folie courtisane enrayée, c'est cette machine royale à fabriquer du désir qui se grippe, la fin de l'enchantement à deux. Lauzun vit à Versailles dans l'indifférence la plus totale. Il souffre d'une mélancolie proche de la mélancolie amoureuse, dans un espace où plus rien n'est à gagner, mais où le désir est pour lui toujours aussi fort, celui notamment d'être proche du roi et de le servir. Sans doute peut-on mieux comprendre à présent cette mystérieuse fête de la disgrâce, cette fête anniversaire de la disgrâce à laquelle se livre l'ancien favori chaque année. Fêter sa disgrâce revient en effet à se rendre intéressant au roi, mais surtout à se souvenir de ce moment où la relation existait encore. C'est sortir de l'indifférence. Non despicé amantem pourrait clamer Lauzun à ces occasions d'anniversaire de sa disgrâce, ne repoussez pas qui vous aime. C'était la devise que Benserrade avait composée pour Lauzun par Adam au célèbre carrousel du Louvre en 1662, flanquant ses armes du symbole du girasol, qui ne détourne jamais, comme on le sait, son regard du soleil. Mais le temps du désir ne passe pas, du moins était-il resté inchangé pour Lauzun. Saint-Simon, qui vécut lui aussi, je cite, taraudé par un sentiment de disgrâce, dans, je cite encore, une sorte de disgrâce, se montre donc face à Lauzun aussi bien effrayé que fasciné. Cette fin des mémoires est sans doute providentielle. En Lauzun, le mémorialiste approche un concentré de la cour, surtout à travers le retour d'exil de ce personnage haut en couleur. Curieux entre tous, l'écrivain nous permet d'approcher l'économie libidinale qui informe le règne et qui se trouve en son centre. Il découvre un roi absolu qui est un roi à la fois objet de désir et objet désirant, forme de tyrannie domestique au cœur du politique dénoncé par Saint-Simon, que l'exact contemporain de cet écrivain, Montesquieu, ne tardera pas à dénoncer à son tour. Merci.